chagrin. Ah, ça chagrin. Ça chagrin. Ça chagrin. Elle accompagne mes nuits et mes matins parfois. Quand la queue dans ma main, j'éjacule aux éclats. Elle avale des sexes d'hommes grands comme des bras d'enfant. Elle me fait rêver définitivement. Sa chagrin. Sa chagrin. Sa chagrin. Sa chagrin. Le sexe qui rentre et sort est comme une métaphore au socialisme pourri qui te fiste quand tu dors. Merci, merci Sacha de me faire jouir plusieurs fois par jour au fond de mon RMI. Sa chagrin. Sa chagrin. Sa chagrin. Sa chagrin. Comment bon Dieu fait-elle pour se coucher à l'envers sur ce petit canapé et prendre dans sa bouche devant les caméras cet immense queue noire sans honte et puis toujours en faisant semblant d'aimer. Mais peut-être qu'elle aime vraiment, ça se trouve. T'imagines, ça se trouve c'est facile pour elle parce qu'elle kiffe vraiment être soumise en gorge profonde. C'est possible, hein, tu vois, moi ma copine elle aime bien. Ouais, si ça se trouve, elle kiffe vraiment être prise comme une chienne de la bouche devant les caméras. Et c'est pour ça qu'on la voit kiffer. C'est pas de la comédie. Ce serait beau, hein. Y a pas quelqu'un qui la connaît, qui pourrait lui demander, puis il me contacte sur Facebook. Y a pas de problème. Moi, je réponds de toute façon. Contacte sur Facebook pour me le dire. Ou même il m'écrit par courrier, le mec. Voilà, bon, y a pas de souci. Je peux vous donner l'adresse. Anthony Stéry. 8 rue du Général Mangin, 57 000 Metz, M-E-T-Z, Metz. Voilà, donc pas de souci. Vous m'écrivez si quelqu'un a des nouvelles, si quelqu'un pourrait demander à Sacha Gray si elle simule ou pas, en fait, au niveau des gorges profondes.